Allez, partons et partons en balade sur un navire voguant comme des malades, fous de désir, de joie, de rigolade, la voile au vent, prêt à toutes les parades. Je peux couvrir tes sorties à pas d'heure. Moi je peux mentir, si c'est pour ton bonheur. Comme un ruban cousu à même le cœur, main dans la main et à 100 km/h. Au rythme battant de ta guitare effrénée, au son de ta voix qui m'a toujours porté, à plein poumon et s'il faut le crier, on est mieux à trois que mal accompagné. Brisons les règles, passons de l'autre côté, vivons nos rêves, on a tout à y gagner. Le doigt en l'air qu'il faut bien adresser à tous ceux qui auraient tenté de nous séparer. Y'a pas d'amour, mais c'est mieux que de l'amitié. Y'a toi et moi et les autres de l'autre côté. Y'a nos délires qu'on pourra pas oublier. Pour toi tu sais que je pourrais tout plaquer. Allez, partons, oui, partons en voyage. Regarde au loin l'océan et puis la plage. On est à Royan, quel joli paysage. Prenons un bateau et allons faire naufrage. En Italie, à la fontaine de Trévise, au palais de Sofia, en Bulgarie, un tour d'Europe, des trois meilleurs amis, et pour finir un bateau mouche à Paris. On s'est promis de Rome ou Rimini, le port de Pescara ou Napoli, Anguillara, Chouyalik, c'était joli. Moi je veux voir la Traviata de Verdi. À Utera, on prendra un café, le Palio de Sienne sera illuminé, pour qu'on passe en revue toutes nos soirées, tous les souvenirs de ces belles années. On parlera des concerts de notre enfance, qu'on était bien dans notre coin de France, qu'on est très fiers d'avoir pu partager avec vous ce moment d'intimité. Allez taper, oui taper dans vos mains, accompagner notre dernier refrain. On espère vous revoir sur notre chemin. On compte sur vous pour l'été prochain. Si on est là, c'est un peu grâce à vous. Sans la chanson, on n'aurait pas rendez-vous. La grande Barbara le disait beaucoup. Notre plus belle histoire d'amour, c'est vous. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la. La grande Barbara se mettrait à genoux pour simplement